بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 21 dans l'explication du livre شرح آداب المشي إلى الصلاة. Et donc on est arrivé maintenant aux explications de certaines règles par rapport à la prière. Et le charh en question, le livre c'est le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui l'a écrit, et le charh c'est le charh de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Le Cheikh il dit: وَقَوْلُهُ وَيُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ الْإِلْتِفَاتُ يَسِيرُ يُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ إِلْتِفَاتُ يَسِيرُ وَرَفْعُ بَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ وَصَلَاتُهُ إِلَى سُورَةٍ مَنْصُوبَةٍ أو إلى وجه آدمي واستقبال نار ولو سراجا وافتراش ذراعيه في السجود ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. Donc le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne ici une question qui a rapport à certaines règles qui ont rapport après avec la prière. Et donc il dit qu'il est détestable de se tourner légèrement pendant la prière ou de lever les yeux vers le ciel lorsque quelqu'un fait la salat, ou de prier devant une image dressée ou devant le visage d'un être humain, ou de se tourner en direction, d'être en direction de faire face à du feu, ou à une torche, ou à une lanterne, ou bien une lumière, une flamme, comme une bougie ou quelque chose comme ça, pendant la salat. Également, de prier, quand on fait le sujoud, d'étendre ses avant-bras sur le sol, allonger les avant-bras sur le sol pendant le sujoud. Ça aussi c'est détestable. De même que de rentrer dans la salat alors que tu te retiens d'uriner ou que tu as envie d'aller faire tes besoins. Ou bien lorsque il y a de la nourriture qui est servie et que tu as envie de manger cette nourriture-là. Donc il dit dans ces cas-là, lorsque quelqu'un il a envie ou il veut faire ses besoins, il veut uriner ou bien il veut faire ses besoins, ou bien qu'il y a de la nourriture qui est servie et qu'il a envie de la manger cette nourriture-là, il a faim, alors dans ce cas-là, il retarde la prière, même si il doit manquer la jama'a par la suite, même si à cause de ça, il manque la jama'a, il doit aller faire ses besoins en premier ou bien aller uriner en premier. Ou bien, si c'est de la nourriture qui est servie, il doit manger en premier. Après, il va faire la salat, même si il doit manquer la jama'a à cause de ça. Et donc, la raison de ça, c'est bien clair. C'est parce que si quelqu'un il prie alors que il a envie, c'est certain que il va être déconcentré dans sa prière. La même chose s'il a faim et qu'il y a de la nourriture qui est servi, il va prier, puis pendant toute sa prière, il va uniquement penser à la nourriture. Alors c'est mieux qu'il fasse ça en premier, et puis après, même si c'est le cas qu'il doit manquer la jama'a à cause de ça, mais au moins quand il va faire la salat, il va pas penser à autre chose ou être distrait. Cheikh Abdul Muhsin, il dit à ce sujet-là, « Al-tifatu al-yasir fi salati makruhun. » وإذا كان كثيرا يصرف فيه المصلي وجهه عن القبلة فهو حرام وينظر في صلاته إلى مكان سجوده لما تقدم ولا يرفع بصره إلى السماء. في حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لا ينتهين عن ذلك أو لَتُخَطِّفَنَّ أَبَصَارَهُمْ رواه البخاري. Donc, on va traduire ça. Ici, le Cheikh Abdul Muhsin, il explique que de se tourner légèrement dans la salat, c'est détestable. Toutefois, si quelqu'un il se tourne d'une manière qui est plus ou qui est trop, il se tourne trop de la Qibla, au point où son visage ne sera plus en face de la Qibla, alors dans ce cas-là, c'est haram. Et pendant sa prière, il doit regarder à l'endroit où il va mettre sa tête pendant la prosternation, comme on l'a expliqué déjà précédemment. Et il dit, de même qu'il ne va pas lever les yeux ou son regard vers le ciel pendant sa salat. Parce que Anas radiallahu anhu, il disait, qu'est-ce que, yani, il y a des gens qui lèvent, il mentionnait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là à lever leurs yeux vers le ciel pendant leur salat s'ils ne cessent pas de le faire, soit qu'ils cessent de le faire, ou bien yani, ils vont perdre leur vue, on va leur arracher leur vue. Donc c'est pour dire que yani, ce genre de choses-là, c'est quelque chose qui est vraiment détestable pendant la salat, et c'est rapporté par Al-Bukhari. Il dit « وَلَا يُصَلِّي وَأَمَامَهُ سُورَةً مَنْصُوبَةً أَوْ نَارٌ ابْتِعَادًا عَنْ مُشَابَهَةِ عَابِدِي غَيْرِ اللَّهِ وَلَا مُسْتَقْدِمًا وَجْهَ آدَمِيٍّ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَشْوِيشٍ عَلَيْهِ وَانْشِغَالِهِ عَنْ صَلَاتِهِ » Donc, il ne va pas non plus prier lorsqu'il y a quelque chose qui est dressé devant lui, comme une image qui est dressée devant lui ou une statue dressée devant lui. Il n'a pas le droit de prier devant ça. De même qu'il ne doit pas, il doit s'éloigner de prier devant du feu aussi. Il ne doit pas prier devant du feu pour s'éloigner de la ressemblance avec ceux qui adorent autre que Allah. Pour s'écarter de la ressemblance de ceux qui adorent autre que Allah. C'est-à-dire que c'est certain que le musulman, s'il prie par exemple, puis que devant lui il y avait par exemple ce genre de choses-là, c'est sûr que le musulman, il prie pas à ces choses-là, il prie à Allah seulement. Toutefois, pour éviter une ressemblance, même si il y a rien de shirk dans le cœur de la personne, mais peut-être que le fait de faire ça, les gens qui voient ça, ils vont penser que le musulman il adore ces choses-là. Alors, il faut donc ne pas ressembler à ceux qui font ça. Et donc, on n'a pas le droit de se prosterner ou de prier en direction de ou devant une image ou une statue. Ou du feu, tout ça c'est des choses qui sont interdites. De même qu'on n'a pas à prier en face d'un être humain ou d'un être humain ou d'un visage humain, parce que de un ça distrait la personne et ça la dérange dans sa salat. Il dit le Cheikh, وفي كتاب الصلاة من صحيح البخاري قال البخاري باب استقبال الرجل وهو يصلي وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي وإنما هذا إذا اشتغل به فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاته إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. Donc le cheikh il explique que l'imam al-Bukhari il a rapporté dans son chapitre dans son sahih, il rapporte dans le chapitre de la salat l'imam al-Bukhari il dit dans le chapitre le fait qu'un homme prie en avant d'un autre homme ou en direction d'un autre homme pendant sa salat, que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, il a considéré ça comme étant détestable qu'une personne soit qu'une personne fasse sa salat alors qu'il y ait quelqu'un devant lui, hein, en face de lui. Puis il dit que ça c'est uniquement détestable si la personne va être distraite par ça. Toutefois, si elle n'est pas distraite par ce genre de choses, alors Zayd ibn Thabit a dit, hein, ça me dérange pas. Et il dit que un homme ne coupe pas la prière d'un autre homme. Et il mentionne ensuite, il dit وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهِ فِي السُّجُودِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مُشَابَهَةِ السِّبَاعِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَنَسْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهُمَا فِي السُّجُودِ. Donc également il y a l'interdiction d'étendre ses avant-bras, hein, et que cela est une ressemblance, hein, avec les chiens ou les animaux pendant la prière. Donc on ne doit pas étendre nos avant-bras sur le sol lorsqu'on se prosterne, puisque c'est une imitation des animaux. Et c'est mentionné dans le hadith de Aïcha et de Anas radiyallahu anhuma qu'on a mentionné lorsqu'on a parlé du sujoud et qu'on a donné la description du sujoud. Ensuite, le cheikh il dit wala yadkhulu fi ssalati wa huwa haqinun aw haqib aw bi hadarati ta'amin yashtahihi li hadith Aïcha radiyallahu anhuma qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان رواه مسلم والأخبثان البول والغائط وذلك في صلاته في هذه الأحوال من التشويش عليه فيها وانشغاله عنها. Donc ensuite le cheikh il explique que tu dois pas rentrer dans la prière alors que tu es en train de te forcer pour te retenir, tu retiens l'urine ou les excréments, hein, lorsque t'as envie de faire tes besoins. Et ou bien lorsque quelqu'un a envie de manger et que la nourriture est servie. Et c'est rapporté dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, selon l'imam, ici c'est rapporté par l'imam muslim, selon Aïcha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit qu'elle l'a entendu dire qu'il n'y a pas de prière en présence de nourriture, ni lorsque la personne elle est en train de se retenir pour al-akhbathan et al-akhbathan, les deux choses sales, hein, les deux choses sales, c'est-à-dire l'urine et les excréments. Et il dit que une des raisons pour ça, c'est parce que ça distrait la personne dans sa prière et ça l'empêche de se concentrer. Donc les ulama à ce sujet-là, yani, ils nous ont mentionné que si c'est une envie légère, par exemple quelqu'un il a une envie mais que il est capable de le retenir facilement sans que ça le déconcentre dans la prière, c'est pas une envie qui est fort, alors dans ce cas-là il peut prier, faire sa salat. Mais si c'est une envie qui est plus fort et que ça va le distraire dans la prière, alors dans ce cas-là c'est mieux pour lui d'aller faire ses besoins ou d'aller uriner puis de revenir faire sa prière par la suite. Et si il manque la salat à cause de ça en jama'a, yani, ça veut dire que malgré tout, donc il a quand même inshallah la récompense pour l'intention, s'il avait l'intention de faire la jama'a, hein. Mais s'il a manqué la jama'a à cause de ça, yani, il sera pas puni, de même que la personne qui avait faim et que la nourriture lui avait été servie. Donc s'il le mange, c'est mieux qu'il le mange tout de suite, parce que sinon il va penser à la nourriture pendant toute la prière, et puis aussi peut-être que la nourriture va être froide, hein, ou des choses comme ça. Donc c'est mieux C'est mieux qu'il mange en premier. Ensuite, le Cheikh il dit, wa qawluhu, Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il dit, wa qawluhu wa yukrahu mass al hasa wa tashbik al asabi'ahu wa i'timaduhu ala yadayhi fi julusihi wa lams lihyatihi wa aqs sha'rihi wa kaffi thawbihi وإن تثاءب كذب ما استطاع فإن غلبه وضع يده على فمه ويكره تسوية التراب بلا عذر. Donc ici le cheikh il mentionne qu'il est détestable de toucher au caillou pendant qu'il prie, de même que d'entrelacer ses doigts, ni de se reposer ou de se tenir sur une main pendant qu'il est assis dans la prière, de même que de toucher à sa barbe ou de tourner ses cheveux pendant la prière, ou de plier ses vêtements, c'est-à-dire de retrousser ses vêtements. Ou bien, lorsqu'il dit que lorsque quelqu'un il a envie de bâiller, il essaie le plus possible de se retenir de bâiller. Et si il craint que, bon, il va pas pouvoir se retenir, alors il va mettre sa main sur sa bouche pour ne pas, lorsqu'il a envie de bâiller, il met sa main sur sa bouche s'il peut pas se retenir ou retenir le bâillement. Et il est détestable également pour quelqu'un d'égaliser le sable ou la terre sans excuse. Et le cheikh il explique, cheikh Abdul Muhsin, il dit wala yamassu al-hasa wala yushabbiku bayna asabi'ihi lima fi dhalika min al-abath wal inshighal 'an as-salat. Donc la personne elle va pas jouer avec des cailloux ou bien entrelacer ses doigts pendant la salat, parce que ça c'est des choses qui sont des futilités, puis c'est des choses qui distraient la personne de sa salat. Si pendant la salat il fait ça, ça veut dire il n'est pas concentré. Il dit wa yad'u yadayhi fi julusihi ala fakhidayhi wa rukbatayhi wa la yad'uhuma ala al-ard. Il dit que quand il est assis dans la prière, en position assise pendant sa salat, il les place sur ses genoux, sur ses cuisses et ses genoux. Et il les met pas sur la terre ou par terre, sur le côté ou bien devant lui. Il les place sur ses cuisses, en avant de lui, au bout de ses genoux, là où il y a ses genoux. Et il dit wa li hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yajlis ar-rajula fi as-salati wa huwa mut'ammidun ala yadihi. Donc il dit wa rawahu Abu Dawud bi isnad sahih. Donc il dit que il y a un hadith qui est rapporté par Abu Daoud avec une chaîne authentique, selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à une personne pendant qu'il est assis dans sa salat de se reposer sur une main, de se reposer sur une main, donc soit d'un côté ou de l'autre, soit à gauche ou à droite. Lorsque la personne a fait la salat, elle ne doit pas se retenir sur une main, sur le côté. Il dit وَلَا يَمَسُّ لِحْيَتَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْعَبَثِ الْمُنَافِي لِلْخُشُوعِ وَلَا يَعْقِسُ شَعْرَهُ وَلَا يَكَفُّ ثَوْبَهُ لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا لا أكف شعرا ولا ثوبا رواه البخاري. Donc le cheikh il explique que on doit pas non plus jouer avec sa barbe pendant la prière, il dit parce que ça c'est des distractions qui sont en contradiction avec la concentration dans la salat et l'humilité dans la salat, de même que tu vas pas commencer à tourner tes cheveux ou jouer avec tes cheveux, ni de retrousser tes vêtements pendant la salat. Et il dit qu'il est rapporté dans le hadith, selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma par al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai été ordonné de me prosterner sur sept os » et de ne pas retrousser ni mes cheveux ni mes vêtements. C'est-à-dire tu touches pas à tes cheveux ni à tes vêtements pendant la salat. Comme distraction ou des choses comme ça. Et les sept membres sur lesquels on se prosterne, on les a déjà mentionnés. C'est le front et le nez qui font un, et les deux mains, les deux genoux et les deux pieds. Ça fait sept. Ensuite, le hadith suivant aussi qui est cité ici, مثل الذي يصلي ورأسه معقوس من ورائه فإنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. Donc il cite un autre hadith. Donc il dit l'exemple de la personne qui fait la salat alors que sa tête, les cheveux de sa tête sont attachés par derrière, c'est comme la personne qui prie alors qu'il a les mains attachées ou quelque chose comme ça. C'est rapporté par Muslim. Oui. Il y a un autre hadith rapporté comme ça selon Abu Daoud, selon Abdullah ibn Abbas aussi. Il dit « Ra'a Abdullah ibn al-Harith yusalli wa ra'suhu ma'qousun min wara'ihi faqama wara'ahu faja'ala yahulluhu wa aqarra lahu al-akhar falamma insarafa aqbala ila ibn Abbas faqala ma laka wa ra'si قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. Donc يعني عقص الشعر, يعني soit il avait tressé ses cheveux ou bien il les avait attachés derrière lui avec une corde. Et donc, lorsque Abdullah ibn Abbas a vu une personne avec ça, que ses cheveux étaient attachés derrière sa tête, il les a détachés. Il est venu, puis il a détaché ses cheveux. Alors, yani, la personne, après... Il y a quelqu'un qui était à côté et il a approuvé qu'est-ce que Abdullah ibn Abbas a fait. Il était d'accord avec lui à ce sujet-là, il n'a pas bougé. Et il lui a cité, l'homme est venu voir, c'était un autre parmi les sahaba, donc celui qui avait les cheveux attachés, il est venu voir Abdullah ibn Abbas et lui a dit, qu'est-ce que tu as avec ma tête, comme si pourquoi tu touches à mes cheveux. Et puis il lui a expliqué, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie de cette façon avec les cheveux attachés comme ça par derrière, c'est comme si il prie alors qu'il est prisonnier ou bien qu'il était incapable de bouger ou quelque chose comme ça. Et l'explication de ça qui s'est mentionnée, il dit فكتف يعني مثل الذي يصلي وهو مكتوف فكتفته كتفا كضربته ضربا يعني كتفته إذا شددت يده إلى خلف كتفيه موثقا بحبل comme s'il priait les bras attachés en fait. Et il dit وقال النووي اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر وكمه أو نحو ذلك أو رأسه معقوس أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وهو كراهة تنزيه. Donc tout ça c'est détestable de plier de retrousser les vêtements, de plier les vêtements et ou bien d'attacher les cheveux par derrière, faire comme une queue ou quelque chose comme ça. Il dit donc si quelqu'un il prie comme ça, eh bien sa prière elle sera valable, mais c'est quand même quelque chose de détestable. Et l'interdiction de ça, c'est spécifiquement dans la salat en particulier. Donc, ça, c'est ce qui est mentionné à ce sujet-là. Ensuite, il dit وَإِذَا تَثَاءَبَ كَذَمَ مَا اسْتَطَعَ فَإِنْ غَلَبَهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع رواه البخاري ومسلم وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل رواه مسلم وفي لفظ له إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليقذم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. Donc ici ensuite le cheikh il parle du baïma et juste avant de mentionner ça je voudrais juste revenir sur la question de plier les vêtements. Parfois il y a des gens qui se retroussent les vêtements pendant la salat, soit ils plient leurs manches ou leurs pantalons. Leur bas de pantalon, et ça c'est interdit dans la prière de retrousser les manches ou de retrousser les pantalons. Et on sait que les pantalons ils doivent pas être en bas de la cheville, donc certaines personnes pour éviter ça pendant la salat ils les retroussent, mais le retrousser c'est interdit aussi. Donc l'obligation dans ce cas là pour la personne c'est de les faire tailler comme il faut. D'aller voir un couturier ou bien quelqu'un comme ça qui peut faire les retouches et puis il va faire couper ses pantalons pour qu'ils soient au-dessus de la cheville parce qu'on sait que c'est interdit pour quelqu'un d'avoir des pantalons qui sont en bas de la cheville. Et c'est triste parfois quand on regarde les rangs dans la prière et qu'on voit que la majorité de ceux qui prient leurs pantalons dépassent leurs chevilles et traînent par terre, donc ça c'est triste parce que c'est interdit et c'est contraire à la sunna. Et en même temps le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné ça ma asfal al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar. Donc qu'est-ce qui est en bas des chevilles, c'est dans le feu. Et également Omar ibn al-Khattab il a dit ya rajul irfa' thawbak fa innahu adqa li rabbik wa abqa li thawbik. Omar ibn al-Khattab il a dit un jeune homme dont les vêtements traînaient par terre, il a dit oh jeune homme, soulève tes vêtements car c'est plus comme si dans ce cas, en faisant ça tu te préserves de ton Seigneur du châtiment de ton Seigneur et tu préserves plus longtemps tes vêtements. Ensuite la personne ensuite la personne si elle a envie de bâiller elle doit essayer de se forcer à retenir le bâillement, c'est-à-dire pour ne pas bâiller. Si elle n'est pas capable de se retenir, alors dans ce cas-là, elle met sa main sur sa bouche. Et il cite le hadith de Abi Huraira qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit que le bâillement vient du diable, du shaitan. Et lorsque l'un d'entre vous bâille, alors qu'il retienne son bâillement le plus possible. C'est-à-dire qu'il se force à ne pas bâiller. Et selon Abi Huraira, selon Abi Saïd al-Khudri, c'est rapporté par Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous bâille, alors qu'il retienne avec sa, il, qu'il tienne sa main sur sa bouche, hein, ou qu'il mette sa main sur sa bouche, parce que le bâillement, c'est, parce que sinon le shaitan il rentre dans ta bouche lorsque tu bâilles. Hein, shaitan yadkhul. Le diable, il rentre, Shaitan, il rentre dans la bouche. Et وفي لفظ له إذا تثاءب أحدكم في الصلاة. Lorsque l'un d'entre vous bâille alors qu'il est dans la salat, qu'il se retienne le plus possible, car le Shaitan, il rentre. Donc, évitez ce genre de choses. Ensuite, il dit وَيَرُدُّ الْمَارُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ بِدَفْعِهِ آدَمِيًا كَانَ الْمَارُ أَوْ غَيْرِهِ فَرْضًا كَانَتْ الصَّلَاةُ أَوْ نَافِلَةً أَوْ نَفْلًا فَإِنْ أَبَى فَلَهُ قِتَالُهُ ولو مشى يسيرا يعني ولو مشى يسيرا ويحرم المرور بين يدي المصلي وبين سترته وبين يديه وإن لم يكن له سترة. Donc ici le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit qu'il doit repousser la personne qui veut passer devant lui, même s'il doit le pousser. Que ce soit un être humain qui veut passer devant lui ou quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre, c'est-à-dire même un animal ou quelque chose comme ça. Et donc, peu importe que cette prière-là soit une prière obligatoire ou une prière surérogatoire ou bien qui n'est pas obligatoire. Et si la personne refuse de s'abstenir de passer devant lui, alors il peut même se battre avec la personne ou la forcer pour l'empêcher de passer. Et il dit, si par exemple la personne elle doit avancer légèrement aussi pour empêcher la personne de passer devant lui, alors il a le droit d'avancer et de marcher un peu pour empêcher la personne de passer devant lui. Et il est interdit de passer devant la personne lorsqu'elle fait la salat et de passer entre lui et sa sutra. Donc la sutra c'est quoi? C'est la chose que tu places devant toi que tu places devant toi lorsque tu fais la salat pour éviter que quelqu'un passe devant toi, entre toi et la sutra. Si quelqu'un veut passer entre toi et ta sutra, alors dans ce cas-là, tu dois l'empêcher de passer. Il dit, et même s'il n'y a pas de sutra, elle doit éviter de passer devant toi. Et la sutra, les ulama, ils ont expliqué que il faut que ce soit quelque chose qui est à peu près de la hauteur d'une selle d'une monture. Quand on la place par terre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une certaine hauteur. C'est pas suffisant de mettre un bâton ou un stylo ou un chapeau ou bien quelque chose comme ça. Certaines personnes, des fois, ils font ça, ils mettent une bouteille ou quelque chose, un téléphone. Ça, c'est pas une sutra. La sutra, elle doit avoir une certaine hauteur. Et sinon, dans ce cas-là, si quelqu'un il a pas de sutra, ça veut dire que tu dois pas passer devant elle. Mais quand on dit de passer devant la personne, ça veut pas dire devint comme si, par exemple, supposons que quelqu'un il prie en, comme si en arrière dans la mosquée, comme si au fond, hein, derrière le, derrière la mosquée, par exemple, au fond. Et que devant cette personne, il n'y a pas de sutra, donc ça veut dire que ça fait une ligne entre du bout de la mosquée, du fond de la mosquée jusqu'en avant, que tu n'as pas le droit de la traverser, non. Oui, parce que sinon, il y a des gens comme ça, ils voient une personne qui prie, par exemple, à, je sais pas moi, 5 mètres, et puis, elle dit, attention, il y a quelqu'un là-bas. Non, mais la distance, les ulama, ils disent, c'est la distance d'un tapis de prière. Que si la personne, elle passe devant toi, mais en avant de la distance de où est-ce que tu te prosternes, hein? Alors, dans ce cas-là, c'est pas, tu peux pas l'empêcher, puisque si la personne, elle avait pas pris de sutra, hein? Eh bien, ça veut dire que tu vas couper le chemin de tout le monde. Si on tenait compte on tenait pas compte de la distance, ça veut dire que on pourrait couper le chemin à tout le monde. Ça veut dire que personne pourrait traverser cette ligne imaginaire là. Donc, les ulama, ils ont dit non, c'est la distance de ton, quand tu allonges ton avant-bras, ok, devant toi. Donc, si la personne elle passe en avant de cette distance-là, alors dans ce cas-là, c'est ta faute si la personne elle passe, parce que t'as pas mis de sutra. Ouais, non, si t'as pas le choix pour passer, de passer devant la personne, mais à une distance assez éloignée, dans ce cas-là, y a pas de problème. Mais si y a un autre chemin, puis que tu peux éviter de passer devant la personne, oui, dans ce cas-là, tu peux le faire. Hein, tu passes pas devant. Tu vas faire le tour ou bien tu vas passer par en arrière tant que ça ne devient pas trop compliqué. Mais si tu dois passer directement devant la personne ou bien si la personne elle a une sutra, hein, elle prie devant sa sutra, alors dans ce cas-là tu ne dois pas du tout essayer de la couper, parce que là c'est dans ce cas-là que c'est grave. Et à ce sujet-là, le cheikh il a expliqué un peu. Cheikh Abdul Muhsin il dit: يرد المصلي المار بين يديه آدميا أو غيره في الفرض والنفل بمنعه وإن أبى دفعه بقوة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو الشيطان رواه البخاري ومسلم وإذا لم يكن له سترة منع من مر بين يديه إلا إذا كان المرور بعد ثلاثة أذرع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة بين عمودين وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. Donc le cheikh il dit ici que si la personne elle a si la personne fait la salat, que ce soit une prière obligatoire ou une prière surérogatoire, et que ce soit un être humain ou autre, elle ne doit pas passer devant celui qui prie. Et il doit l'empêcher de passer devant lui, et si la personne elle refuse, alors il peut la pousser avec force. C'est rapporté dans le hadith selon Abi Huraira radiallahu selon Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu par al-Bukhari et Muslim. Il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: lorsque l'un d'entre vous prie devant une chose qui hein, qui le bloque déjà, c'est-à-dire une sutra. Alors, si quelqu'un veut passer entre lui et cette sutra, hein, alors qu'il la pousse avec sa main. Et si elle refuse de s'abstenir, alors qu'il falyuqatilhu, hein, c'est-à-dire qu'il se batte même avec la personne, hein, pour la repousser complètement. Car c'est un diable. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari Muslim. Et il dit que si la personne, par contre, elle n'a pas de sutra et que quelqu'un veut passer devant lui, il dit, dans ce cas-là, il peut passer devant lui, excepté, par contre, il dit, sauf, c'est-à-dire, il ne doit pas passer devant lui, sauf si c'est à une distance de 3 avant-bras. Ici, il mentionne la distance de 3 avant-bras. Yani, il dit, il n'y a pas de mal si c'est plus que cette distance-là. Comme je disais tout à l'heure, la distance quand quelqu'un il allonge son bras, donc c'est à peu près cette distance-là, ou un petit peu plus, hein, un bras de plus. Donc, si c'est cette distance-là, il n'y a pas de mal. Et le cheikh, il cite que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la salat dans la Kaaba, entre 2 piliers, hein, il n'y avait rien devant lui, excepté un mur qui était à une distance de 3 avant-bras à peu près. Donc il a prié sans sutra dans la Kaaba. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Il dit « وَالْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّ حَرَامٌ لِحَدِيثِ أَبِي جُهَيْمٍ رَضِيَ anhu قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه رواه البخاري ومسلم. Donc il dit, le fait de passer devant quelqu'un c'est haram, c'est interdit. Il dit que c'est la preuve que c'est interdit, c'est le hadith de Abu Juhaym, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si la personne qui passe devant celui qui prie savait ce qu'il a fait comme péché, il aurait attendu même 40 plutôt que, hein, ça aurait été mieux pour lui d'attendre 40 que de passer devant lui. C'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il n'a pas dit si c'est 40 minutes ou 40 heures ou 40 jours, 40 ans, il n'a pas mentionné. Mais c'est juste pour dire, regardez que c'est dans le sens que la personne, c'est mieux qu'elle attende que de passer devant celui qui fait la salat. Non. Donc ici on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. On continuera au prochain cours bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.